إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ربكم حق تقواه واخشوه حق الخشية وعظموه أحسن تعظيم وأجلوه أكبر إجلال واعلموا أن من شواهد ذلك وصدقه وعلامة زيادته وقوته حصول هذه الأمور الثلاثة لكم الأمر الأول طمأنينة قلوبكم إلى أن الرزق بيد الله وحده وأن ما كتب لكم منه آت لكن يضيع لن يضيع منه دينار ولا درهم ولا أقل ولن يتأخر عن وقته يوما ولا ساعة ولا أقل أعاش أجدادنا من غير رزق لا والله أعاش آباؤنا من غير رزق لا والله وكذلك نحن وجميع من نعول لن نعيش إلا برزق من الله وحده قال الله عز وجل مؤانسا لنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي ما من مخلوق يدب على وجه الأرض من آدمي أو حيوان بري وبحري يمشي أو يطير أو يسبح أو يزحف إلا على الله رزقه لا على شرق وغرب لا على حاكم وتاجر لا على كريم وجواد لا على قبيلة وعشيرة ولا على شركة ومؤسسة ولا على والد وولده ووالد لا على والد ووالده وقال الله جل وعلا آمرا لنا ومرغبا في طلب الرزق منه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال الله عز شأنه مذكرا ومنبها الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ألا فلتهدأ النفوس ولتبرد الأكباد ولتطب الخواطر ولتنتظم ولا تتعكر العقول فإنه ما من دابة في الأرض إلا والله متكلف برزقها وقوتها وغذائها وما به عيشها وعليه هدايتها إلى أسبابه وإعانتها في تحصيله سامتاد الله كني الله كني لا كم المغد دخلين et exaltez-le comme il mérite d'être exalté. Et sachez que parmi les signes qui vont démontrer l'augmentation et la force de cette crainte et de cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses qui vont être des indicateurs. Premièrement, que vous allez être en paix la tranquillité dans vos cœurs au sujet du fait que la subsistance est entre les mains d'Allah seul, et que ce qui vous a été écrit comme subsistance, eh bien, vous n'allez pas en perdre un dinar, ni un dirham, ni un centime, ou quoi que ce soit. Et il n'y a rien qui va dépasser ou qui va être en retard. Parce que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a écrit comme subsistance, vous allez le recevoir. Est-ce que nos ancêtres ont vécu sans subsistance? Est-ce que nos parents ont vécu sans subsistance? Non, par Allah. Et c'est la même chose pour ceux qui vont nous suivre parmi nos enfants et parmi nos familles. Ils ne vivront pas sans leur subsistance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la subsistance pour chacune des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et il dit cela dans le but de calmer et d'apaiser ses serviteurs. Il n'y a pas une créature ou un être vivant sur terre, excepté que c'est à Allah qu'incombe sa subsistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui marche sur terre, que ce soit un être humain ou un animal de terre ou un animal de mer, qui marche ou qui vole, ou qui rampe sur le sol ou qui nage, excepté que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'incombe sa subsistance et de lui donner ce qu'il a besoin pour vivre. Et donc ce n'est pas à l'est ni à l'ouest, ce n'est pas à un dirigeant ou à un commerçant ou à un homme généreux ou à une tribu ou à une famille ou à un institut ou une compagnie ou à un père de nous donner notre subsistance, mais bien à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et nous incite de chercher la subsistance de sa part en disant: et recherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, et c'est vers lui que vous retournerez. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, pour nous rappeler et pour nous faire comprendre, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé, puis c'est lui qui vous a donné votre subsistance, et c'est lui qui vous fera mourir, et c'est lui qui vous fera vivre. Et donc, que les âmes soient apaisées et que les cœurs soient calmés et que les gens soient rassurés, qu'il n'y a pas un être sur terre qui vit excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper de lui et va lui donner sa subsistance et va lui donner son repas et va lui donner ce qu'il a besoin pour vivre, et il va le guider vers les causes de cette subsistance et il va l'aider à l'obtenir. Ayyuha an-nas, inna tadhakkura hadha al-amr wal-iltifaf ilayh والتفكر فيه حين بعد حين وساعة بعد ساعة وفي الرخاء والشدة ومع الغنى والفقر حال العسر واليسر يقطع على النفس تعلقها بالمخلوقين في الرزق ويزيل طمعها عما في أيديهم ويكف جشعها ويخمد حسدها ويكسر ضراوتها على الدنيا. الأمر الثاني: قناعة قلوبكم بما يسر الله لكم من هذا الرزق وهذا القوت وهذا اللباس وهذا المركب وهذا المسكن وهذه الوظيفة وهذا العمل وهذه المهنة. قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن من حصلت له هذه الأشياء الثلاثة فقد أفلح. أولها أن يكون ممن هدي إلى الإسلام في دنياه، فآمن بالله ورسوله وصدق بالشرع وانقاد له وعمل الصالحات واجتنب المحرمات وكان من المحسنين. ثانيها أن يكون رزقه في دنياه كفافا، والكفاف من الرزق هو ما يسد الحاجة، فلا يلحق صاحبه الجهد والدنك، ولا يعرض للذل والخزي بمسألة الناس أو بسرقتهم، ولا يخرجه إلى الطرف والتنعم والتبسط في الدنيا والانكباب عليها. وأكثر من في الأرض من عرب وعجم مسلمين وكفار لا يخرجون عن هذا الحال، ولا ينزلون عن درجة الكفاف، وهو حال طيب نفيس مسعد لمن عقل وتدبر وأنصاف وشكر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لآل بيته في زمنه وباقي الأزمان أن يكونوا من أهل هذا الرزق، حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت من الرزق هو الكفاف. Serviteur d'Allah, souvenez-vous de cette affaire et de cette chose très importante. Souvenez-vous-en à chaque instant et à chaque moment, que ce soit les moments d'aisance ou des moments de difficulté, des moments de richesse ou des moments de pauvreté, dans toutes les différents états de la vie. Et lorsque vous vous souvenez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne votre subsistance, eh bien cela va couper votre relation ou votre attachement aux créatures dans qu'est-ce qui a rapport avec la subsistance. Et vous cessez de mettre votre dépendance sur les créatures et vous mettez votre dépendance en Allah seul. Et cela également retire de vous l'envie de ce qui est entre les mains des gens et détruit en vous également cette jalousie pour ce que d'autres pourraient posséder des biens de la vie d'ici-bas. Et la deuxième chose qui montre et qui indique que votre foi et votre piété augmentent, c'est que vous êtes satisfait dans vos cœurs pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité comme subsistance et comme nourriture et comme vêtements et comme moyen de transport ou comme demeure et comme travail et comme emploi. Donc l'imam muslim a rapporté à ce sujet dans son sahih selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a certes eu le succès celui qui s'est converti à l'islam ou qui s'est soumis à Allah et qui a été, à qui on a donné la subsistance suffisante, al-kafaf, et qui a été satisfait en lui-même de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith trois choses qui fait que la personne qui possède ces trois caractéristiques, il a le succès. Premièrement, il fait partie de ceux qui ont été guidés à l'islam dans cette dunya, qui a cru en Allah et en son messager, qui a reconnu la législation qui a été révélée d'Allah et qui s'y est soumis, et qui a fait les bonnes œuvres et s'est écarté des interdictions et qui a été parmi les gens du bien. Deuxièmement, que cette personne a reçu comme subsistance dans cette vie d'ici-bas ce qui lui suffit, c'est-à-dire en arabe al-kafaf. Et donc, c'est qu'est-ce qui remplit son besoin. Donc il n'a pas trop et il n'est pas non plus dans le manque, mais il a ce qui lui suffit et ce dont il a besoin. Et donc cette personne qui vit dans Al-Kafaf, eh bien il n'a pas de fatigue, il n'a pas de misère et il n'est pas soumis ou sujet à l'humiliation ou à devoir demander aux gens ou à devoir voler ou... Il ne tombe pas non plus dans l'autre excès, c'est-à-dire la luxure et l'extravagance et vouloir jouir de tous les plaisirs de la dunya au point de s'y noyer. Et la plupart des hommes sur terre, qu'ils soient arabes ou non arabes, musulmans ou non musulmans, ils ne sortent pas de cet état qu'on appelle Al-Kafaf. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous ce qui est suffisant pour eux en général. De qu'est-ce qui est bon pour eux, de qu'est-ce qui est suffisant pour eux. Et celui qui est raisonnable et qui est reconnaissant, il reconnaît le bien de cet état d'être dans la suffisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il souhaitait cela pour sa famille et pour ses proches. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné par l'imam muslim dans son sahih, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, il disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Oh Allah, fais que la subsistance de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit suffisante. » Et c'est-à-dire qu'il ait ce qu'il lui faut et ce qui remplit leurs besoins et leurs nécessités. « وَقَدْ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَفَافَ فِي الْمَعِيشَةِ أفضل من الفقر وأفضل من الغنى. Beaucoup de ulama ont compris par rapport à ce hadith que al-kafaf, c'est-à-dire d'être dans l'état de la suffisance, dans la façon de vivre, c'est meilleur que la pauvreté et c'est meilleur que la richesse. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان ويسمعان أهل الأرض إلا الثقلين الإنس والجن: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. Et c'est rapporté selon Abi Darda dans un hadith authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour dans lequel le soleil se lève excepté qu'il y a deux anges qui viennent et qui appellent et qui disent, en faisant entendre les habitants de la terre, excepté les hommes et les djinns: oh vous les hommes, venez vers votre Seigneur, car ce qui est peu est suffisant et meilleur que ce qui est beaucoup et qui distrait. Wasaha an Sulayman ibn Khaythama rahimahullah annahu qala Sulayman ibn Dawud, yani Sulayman al-Nabi alayhi salatu wassalam, kullu al-aish qad jarrabnah layyinuhu wa shadiduhu فوجدنا يكفي منه أدناه. Et donc le prophète d'Allah Sulayman, comme c'est rapporté authentiquement de Sulayman ibn Khaythama, il disait: nous avons essayé ou nous avons vécu dans toutes les, nous avons fait testé ou nous avons essayé toutes les différentes sortes de vie, la vie facile et la vie difficile, et nous avons trouvé que ce qui est suffisant, c'est le moindre de qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette vie. وثالثها أن يكون ممن قنعه الله بما آتاه من رزق كفاف وهذا هو الغنى الطيب الغنى المسعد إنه غنى النفس ورضاها بما قسم الله لها وراحتها وانشراحها لما قدر من عمل ومهنة وكسب وما قدر من مسكن بأجرة أو بغير أجرة وما قدر من ملبوس ومطعوم ومركوب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. رواه الإمام مسلم في صحيحه. والعرض هو ما في الدنيا من صنوف الأموال والمراكب والملابس والمساكن وغيرها. وصح عن عروة بن الزبير أنه قال: قال عمر بن الخطاب في خطبته: أتعلمن أن الطمع فقر وأن الإياس غنى وأن المرء إذا أيأس من شيء استغنى عنه. وكان محمد بن المندكر رحمه الله يقول القناعة مال لا ينفد ومن أحسن أمثلة الناس القناعة كنز وكتب أحد بني أمية إلى أبي حازم رحمه الله يعزم عليه أن يرفع إليه حوائجه ليقضيها له فكتب إليه أبو حازم أما بعد فقد جاءني كتابك تعزم علي أن أرفع إليك حوائجي وهيهات قد رفعت حوائجي إلى ربي وما أعطاني منها قبلت وما أمسك عني منها قنعت وقال الإمام أحمد رحمه الله لصاحبه الميمون استغني عن الناس فلم أرى مثل الغنى عن الناس serviteur d'Allah. Troisièmement, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui montrent, on a bien compris la signification de ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu satisfaits de ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire qu'on est satisfait de ce qu'on a, même si c'est peu. Et avec ce qu'il nous a donné comme subsistance, on est satisfait. Et ça, en réalité, c'est la richesse. C'est la signification de la richesse. Parce que celui qui est satisfait de ce qu'il possède, il est comme une personne qui est riche dans son âme. Et son âme est satisfaite de ce que Allah lui a donné comme subsistance, et donc il est en repos. Et son âme est en paix. Pour qu'est-ce qu'il a comme travail, comme métier, comme bien, qu'est-ce qu'il a comme maison, comme demeure, comme salaire, qu'est-ce qu'il a comme demeure, que ce soit une location, ou qu'est-ce qu'il a comme demeure, c'est-à-dire une propriété, ou qu'est-ce qu'il porte, ou qu'est-ce qu'il mange, ou qu'est-ce qu'il a comme moyen de transport. S'il est satisfait de ce qu'il a, il est riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse, ce n'est pas de posséder beaucoup de biens, mais plutôt c'est la richesse de l'âme. C'est ça la vraie richesse. Lorsque la personne est satisfaite de ce qu'elle a, et non pas d'avoir des beaux vêtements, des belles voitures, des grandes richesses. Bien entendu, si quelqu'un est riche ou si quelqu'un a beaucoup d'argent et qu'il l'utilise dans le bien et qu'il l'obtient dans ce qui est halal, c'est pas quelque chose de mal. Mais par contre, la richesse amène beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Et c'est rapporté également que Omar ibn Khattab a dit dans sa khutba, savez-vous que le fait de toujours vouloir plus et de toujours désirer plus de bien, c'est ça la pauvreté. Et de désespérer d'obtenir quelque chose, c'est en réalité une richesse, parce que lorsqu'on cesse de souhaiter quelque chose, c'est là qu'on peut s'en passer complètement. Et Muhammad ibn Mundakar, rahimahullah, il disait que le fait d'être satisfait de ce qu'on possède, c'est une richesse qui ne finit jamais ou qui ne termine jamais. Et d'autres disaient également, comme proverbe, que le fait d'être satisfait de ce qu'on possède, c'est un trésor. Et un homme de Bani Umayya, il a écrit une lettre à Abi Hazm en lui disant que s'il avait un besoin quelconque, il pouvait lui demander et il allait lui donner tout ce qu'il veut. Alors il lui a répondu en lui disant que ce que tu me dis dans ta lettre, que tout ce que j'ai comme besoin, je peux te le demander. Il a dit non, je demande tout ce que j'ai besoin à mon Seigneur seulement, c'est-à-dire à Allah. Et ce qu'il me donne, je l'accepte. Et ce qu'il ne me donne pas, eh bien je suis satisfait. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal disait à son compagnon Al-Maymouni, sens-toi à l'aise, et détache-toi de ce que les hommes possèdent entre leurs mains, et tu seras parmi les hommes les plus riches. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله الأمر الثالث مما يشير إلى أن الإيمان يزيد وأن خشية الله أقوى وأكبر عدم خوف الفقر في المستقبل لا على النفس ولا على الأهل والعيال ولا على الوالدين والإخوان والأخوات حتى ولو أزهف الاقتصاديون والسياسيون بضعف الاقتصاد وغلاء الأسعار وقلة الوظائف وانخفاض الرواتب وتزايد البطالة وارتفاع نسبة الفقر وفشو المجاعات لأن أرزاق العباد مكتوبة ولن يعيش أحد إلا برزق يقتات منه شاء أم أبى ولن يغادر الدنيا إلا وقد أخذ رزقه كاملا غير منقوص وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. Serviteur d'Allah, sachez que parmi la troisième chose qui montre que le serviteur a une foi qui augmente et qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il n'a pas peur pour son avenir et pour la pauvreté dans l'avenir. Il n'a pas peur de la pauvreté pour lui-même, ni pour sa famille, ni pour ses enfants, ni pour ses parents, ni pour ses frères et ses sœurs. Et même si les gens qui parlent d'économie, les politiciens parlent de la faiblesse de l'économie et de l'inflation des prix ou du peu d'emploi, du chômage et que les salaires diminuent et qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'emploi ou des choses de ce genre ou que le pourcentage de pauvreté a augmenté, ou qu'il y a des famines ou des choses de ce genre, tout ça, ça n'effraie pas le croyant. Parce que le croyant est conscient et il croit que sa subsistance est écrite, est entre les mains d'Allah. Et il n'y a personne qui va vivre sur terre excepté qu'il va avoir ce qui lui a été écrit et prescrit comme subsistance de la part d'Allah, qu'il le veuille ou non. Et il ne va pas quitter cette dunya, cette vie d'ici-bas, excepté qu'il va prendre entièrement ce qui lui a été écrit comme subsistance. Et il ne va pas prendre un centime de plus ou un centime de moins. Il est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qu'il a dit que la création de chacun d'entre vous est réunie dans le ventre de sa mère et il reste pendant 40 jours comme une alaqa, puis ensuite il va être 40 jours encore comme une mudra, et ensuite, donc il change d'étape et il se développe dans le ventre de sa mère jusqu'à ce que ça complète 120 jours. Et une fois que les 120 jours sont complétés, il y a un ange qui descend et qui vient insouffler dans le ventre de la mère et dans le bébé son âme à partir de 120 jours. Et cet ange, lorsqu'il vient insouffler l'âme, il est ordonné d'écrire 4 choses sur ce bébé ou sur ce fœtus. D'écrire sa subsistance, d'écrire son terme, c'est-à-dire combien de temps il va vivre, d'écrire son action, qu'est-ce qu'il va faire comme œuvre, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith